Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp ayant pour titre Voyage au fond de l'âme. Mon nom est Charles Villeneuve. Bonsoir, je suis François Martel. Bonsoir, je suis Michel Lacerte. Qui dit vrai? Bonsoir, je suis là. Ah. C'est pas ça qu'il fallait que tu dises. C'est ma chaise. Je trouve que ça ressemble à un thème d'un film. Voyage au fond de l'âme. Non, c'est Voyage au fond des mers. Alors, Voyage au fond de l'âme. Qui voyage au fond de l'âme? Avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Les conférences que je donne sont des conférences qui s'adressent à un public général. Et ce qui est important de comprendre, c'est tout ce que je dis. C'est vrai, tout ce que je dis, c'est faux, et c'est jamais ce que je dis qui est dangereux, mais c'est plutôt ce que vous entendez. Ce qui est très important de comprendre, c'est que, premièrement, la vitesse que je parle, c'est pas nécessaire de tout retenir. On a des cassettes, d'ailleurs, qui servent à ça, puis on peut les écouter au ralenti après, de façon à ramasser. La chose la plus importante qu'on puisse dire, c'est que l'homme, la femme, l'enfant doit être son seul maître. Ça veut dire que c'est cette personne-là qui doit déterminer au niveau de sa conscience ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Nécessairement, ce qu'une personne a vécu lorsqu'elle le communique, c'est une théorie pour les autres. Donc, on ne doit pas croire ce que je dis, on ne doit pas douter en face de ce que je dis, on doit se laisser aller, on doit prendre ce qui nous aide, prendre ce qui nous va. C'est fini là. Sachez une chose, toutes les personnes ici qui allaient me trouver très, très intelligent, c'est parce que je suis d'accord avec vous. Et toutes les personnes qui allaient me trouver un petit peu, etc., c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Dans l'absolu, il n'y a pas d'intelligent ou de con. Voyage au fond de l'âme, c'est très simple. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux, n'ayez pas peur. Et voilà, vous êtes au fond de l'âme. C'est qui est au fond de mon âme? Ah, c'est toi. Tu voyages au fond de ton âme. Bon, la parce prochaine que, conférence... L'homme, on dit qu'on est un corps physique, un esprit, puis un âme, puis tout ça mélangé ensemble. Qui dit ça? Bon, j'ai déjà lu ça quelque part. La sélection du Reader Digest, je pense. Mais que, on pourrait peut-être définir c'est quoi, qu'est-ce que l'homme ou qu'est-ce que la personne humaine? Parce que si on veut voyager au fond de mon âme, pour moi, ça entend que je ne suis pas l'âme. Bon, c'est évident que tu n'es pas une âme. Ça, c'est sûr. Le corps physique ne voyage pas dans l'âme non plus? Oui. Oui? Beaucoup plus que l'âme dans le corps. Mais là, évidemment, on vient de sauter 8 étapes. On commence avec une question de base, puis après ça, suite. C'est intéressant. Le corps physique, on ne le définira pas. C'est suffisamment connu. C'est une illusion spatio-temporelle. Bon. Le corps physique. Le corps vital, c'est une illusion qui permet au corps physique d'être exprimé à travers l'espace-temps, donc d'avoir une forme que l'humain pense solide. Bon. Et tout est relatif, évidemment, parce qu'avec une batte de baseball, le corps humain est moins solide, puis avec une tapette à mouche, il est plus solide. C'est très, très relatif. Le corps astral, c'est ce qu'on appelle aussi l'âme. Le corps astral, c'est... un espace-temps dans lequel on retrouve les mémoires expérientielles de l'humain, ça veut dire les mémoires de ce que l'humain a vécu, les mémoires expérientielles antérieures, les mémoires réincarnationnelles. C'est dans le corps astral aussi qu'on retrouve les désirs, qu'on retrouve l'émotion qui est une expérience intra-âmique à l'intérieur de l'âme, on pourra en revenir là-dessus, et la relation entre les mémoires, les désirs et l'émotion dans l'âme s'appelle la psychologie. La psychologie, c'est la science qui étudie l'âme. C'est pas compliqué de mal, là. Et on peut parler de théologie humaine, ça se rapproche aussi de la psychologie. Si on parle d'âme, on parlera de l'astral, donc de la mémoire, des désirs et de l'émotion, contenu dans un véhicule particulier, une enveloppe, l'enveloppe de l'âme, le périsprit, et cette enveloppe-là, elle est personnalisée à chaque corps physique, donc, à chaque individu. Ça, c'est l'âme. Et il y a une autre partie qui constitue l'homme, l'humain planétaire, c'est le corps mental. Le corps mental, lorsqu'il est naissant, c'est l'intellect. lorsqu'il commence à se dissocier du corps astral, ça devient le mental. Le corps mental, ce n'est pas toi non plus. Et le corps mental, c'est un véhicule qui se sert de l'expérience de l'astral. Le corps mental est constitué de la mémoire. Le corps mental est constitué de désir, mais le corps mental n'a pas d'émotion. C'est ce qui est la seule chose qui le différencie de l'âme, c'est que l'âme est là en plus l'émotion. Donc, la psychologie astrale, amique, psychologie de l'âme, c'est la relation entre les désirs, la mémoire, l'expérience et l'émotion. La psychologie, on va dire, du plan mental, c'est la relation entre la mémoire et les désirs. Pas d'émotion là-dedans. Est-ce qu'il y a une bride d'intelligence aussi, en plus de mémoire, dans le corps mental? À un moment donné... Ou c'est de la mémoire, d'intelligence? À un moment donné, peut arriver comme ça, par accident, par hasard. C'est plus juste de dire par hasard, mais en tout cas, par hasard, que dans le corps mental, il y ait des petites excroissances intelligentes. Et une petite microscopique, minuscule excroissance d'intelligence dans le corps mental fait de l'être humain un génie, comparé à ses semblables. L'intelligence dans le plan mental peut grossir progressivement, et là, ça va totalement occuper le plan mental. Et occupant le plan mental, progressivement, l'être humain finit par ne plus avoir de désir. Il ne se sert plus de la mémoire comme l'humain s'en sert actuellement, c'est-à-dire qu'au lieu de se rappeler de quelque chose, il se connecte à de l'information beaucoup plus instantanée et il sait instantanément quelque chose. Donc, il sait instantanément où il reste, alors que l'humain, en général, va se rappeler où il reste. Et ce que tu appelles l'intelligence, ce qui pénètre le plan mental, ça, c'est l'être humain. Ça, c'est toi. Alors, pour faire un voyage, évidemment, au fond de l'âme, ça ne servira pas du peu d'intelligence que l'humain a pour aller fouiller. On va faire un voyage astral dans l'âme. Autrement dit, l'ego, qui est la représentation personnalisée des âmes, des individus, mais souvent l'humain ou la psychologie dit que nous sommes de l'ego. Mais la psychologie, c'est la science qui défend l'astral, qui défend l'ego. Exactement comme la religion est la science qui défend l'astral, qui va défendre des égrégores divins dans l'homme. Mais l'homme, la femme, l'enfant, l'être humain, c'est tout à fait autre chose que de l'ego. C'est autre chose que le « je », que le « moi ». C'est autre chose que le prénom. C'est autre chose que la souffrance que l'humain vit. C'est autre chose que ses mémoires ou son expérience. L'humain va dire « moi, je suis une femme » ou « un homme ». Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a acquis de l'expérience à travers sa vie physique de biologie sexuée mâle ou femelle. Mais lui, dans l'absolu, là, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Alors, l'humain s'identifie. Quand l'ego dit « je suis un homme », l'ego parle. Mais quand l'être humain dit « je suis un homme », c'est l'ego qui parle, c'est pas l'être humain qui parle. C'est pas l'être réel. Lui, il n'a rien à faire, « je suis ». Puis il ne le dit même pas, c'est le philosophe qui dit ça, c'est encore l'ego, ça. Là. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication du voyage... Prenez un verre d'eau. Oui. Fais pas un voyage au fond du verre, au fond des mers. Voyage au fond de l'âme, là, ça sert à quoi, ça? Ça va servir à quoi? Mais non, là, c'est pas une technique qu'on va voir ce soir. On va c'est simplement... Ça. Est-ce que quand le titre, là, Voyage au fond de l'âme... Comment tu l'as trouvé? C'est quelqu'un qui voyageait. Mais est-ce que le titre veut dire qu'aujourd'hui, ce soir, on va voyager à travers ça pour expliquer ça? Ou bien non, c'est une c'est quelque chose, une technique pour voyager? C'est comme on veut aller. C'est comme la conférence va aller. Ben... C'est un titre pour attirer du monde, regarde. On peut parler d'autres choses, là. Ah, absolument! Bon, mais il faut qu'on parle. J'aurais le goût de parler de voyage au fond de l'âme. Est-ce que le voyage au fond de l'âme, c'est un voyage astral qu'on fait dans notre monde, dans notre astral, ou c'est comme un voyage astral? Bon, ce qu'on peut faire ce soir, évidemment, on peut faire une introspection de ce que c'est que l'astral, de ce que c'est que l'âme, à l'intérieur de l'homme, la femme, l'enfant, de façon à ce que la majorité des gens, peut-être pas tout le monde, puissent bien voir ce que c'est l'âme comparativement à ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est extrêmement utile pour l'humain, dans cette fin du 20e siècle, d'avoir la capacité de se dissocier totalement des visions archangéliques, des visions archaïques, des visions planétaires de l'humanité. Par exemple, C'est sûr que de temps en temps, on s'engueule puis on se donne des de la merde. On est humain. L'être humain est autre chose qu'un humain. Il y a l'animal humain, il y a l'humain, qui est très très près de l'animal humain, et il y a l'être humain, qui est un phénomène transitif entre le mélange de conscience animale-intelligence vers l'intelligence consciente d'être dans un corps physique, d'être dans des corps planétaires et dirigeant ces corps-là. Autrement dit, une personne qui est un animal humain n'aura pas de problème à montrer son corps nu devant n'importe qui. Une personne qui est un humain aura probablement des problèmes, mais peut être programmée, c'est-à-dire peut avoir l'habitude de se présenter nu. Et une personne qui est un être humain qui est en transition aura probablement de la difficulté, alors que l'être lui-même, le corps physique, il n'y en a rien à cirer. Les gens peuvent rire, les gens peuvent le regarder, il peut faire n'importe quoi dans le contexte planétaire. Il peut se ridiculiser au maximum. Ça ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que le petit 82 ans qu'il va passer sur la planète Terre, à travers les 4,6 milliards d'années que la Terre existe déjà, ne vaut pas la peine de s'en faire. Alors lui, on parle de l'être. Ça, c'est quand l'intelligence, quand vous allez être dans vos corps, sachant que vous êtes dans un corps comme ça, vous allez en comprendre, vous allez comprendre automatiquement l'intelligence de l'entretenir, l'intelligence de l'améliorer en fonction qu'il nous serve mieux, mais évidemment, il faudra que vous soyez suffisamment en contact avec vous-même. Un drôle de terme. Il faudra que le corps planétaire soit suffisamment en contact avec vous-même, c'est plus juste, pour que vous sachiez ce que vous avez à faire, pour ensuite organiser les corps, les véhicules planétaires, pour qu'ils vous soient plus utiles pour le faire. Mais avant, c'est bon d'aller fouiller dans l'âme pour instruire l'ego, pour instruire l'âme, qu'elle n'est qu'une âme, qu'un véhicule mémoriel qui a pour fonction d'animer le corps physique en attendant que vous autres, vous descendiez prendre le contrôle du corps. Mais s'il n'y avait pas l'âme actuellement, le corps physique, ce ne serait pas plus qu'un corps physique. Même pas des animaux, on serait des minéraux. Donc l'âme a une utilité. L'âme a une mécanique. Utilité. Puis à un moment donné, l'âme devient une problématique. Et pour la majorité des êtres qui se conscientisent, l'âme est une drôle de problématique. Et pour les gens qui commencent à se conscientiser, l'âme est une vache de problématique. Dans mon cas, c'est drôle. C'est une drôle de problématique. Dans le cas de plusieurs personnes, c'est une vache de problématique. Quelle est la différence entre l'âme et l'ego? Bon, t'expliquer un peu au début. L'âme là. Et l'ego? Ouais, la différence entre les deux, s'il y en a une. Ah, il y en a même plus qu'une. Je peux t'en donner autant que t'en veux. C'est quand même quand même ça. C'est sûr que t'es mal placé pour voir. C'est pas grave, tu sais déjà des choses. Vous savez, mes intervieweurs, la question qu'ils viennent poser, c'est quelqu'un qui l'a eu, la question. Là. Je sais pas qui ici, là. C'est des télépathes. De temps en temps, faites passer pas vos comptes en banque. Ils peuvent ramasser les numéros. Ah, ça y est, ils viennent de ramasser une dizaine. Allumez, juste à dire, pas faire ça, puis... Regardez pas là. De la soirée. Les gens qui sont morts, là, puis il y en a qui vont... Bon, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est un véhicule complet qui contient à l'intérieur de l'homme. Il y a une membrane ici qui est le périsprit, qui est de l'énergie intra-atomique. On passe à ces détails-là, mais c'est l'énergie qui permet aux particules subatomiques de constituer les atomes qui vont constituer les molécules, qui vont constituer vos illusions corporelles, vos corps. À l'intérieur de l'âme, nous retrouvons de la mémoire. Je passe des détails, on voit suffisamment ces choses-là en séminaire, ce n'est pas nécessaire pour le discours de ce soir. Donc, il y a de la mémoire, il y a des désirs, il y a de l'émotion. Chaque fois qu'une information extérieure au corps pénètre, pénètre pas en réalité, mais on va dire pénètre dans l'âme, ça vient bouger tout ce qui est dans l'âme, et le mouvement dans l'âme, c'est ce qu'on appelle une émotion, c'est une expérience dans l'âme. Et automatiquement, ça sera exprimé dans le corps physique, relu par le périsprit, puis ça crée une petite énergie. À la longue, après la naissance, à la longue, les parties expérientielles dans l'âme qui sont similaires, finissent par s'agglomérer sous le contact de l'émotion, donc l'expérience intra-âmique, puis lentement, ça va s'associer pour créer une identification. c'est-à-dire une habitude suprême de la répétition d'un certain nombre de visions, d'événements, de sensations, de perceptions, et c'est ce qui va engendrer l'ego. Alors, quand l'humain, à un moment donné, dit « je », parce que l'enfant, il parle pas, l'enfant parle à la troisième personne, jusqu'à un moment donné où il commence à dire « je », plutôt que de dire « Daniel a faim », il va dire « j'ai faim », bien, lentement, l'ego finit par se retrouver, et l'ego va être uniquement une densification plus complète d'expérience, alors que l'âme, le reste ici des mémoires volatiles, ça va être de l'expérience de ta vie, mais qui ne font pas partie des mécaniques que je peux insulter. Autrement dit, l'ego, c'est l'agglomération de tellement de mémoires similaires. Chaque fois qu'une expérience dans l'âme pénètre et vient altérer l'ego, l'ego se défend. Autrement dit, je dis, François, tu es laid. À l'intérieur de ça ici, je ne dis que des vérités. Je sais que c'est pas simple, ça. Ah, là, ça a marché, là. Là, ça a marché, là. Bon. Alors là, ce qui arrive, c'est que l'information qu'il a entendue pénètre. Effectivement, il y avait un fil sur disant, ah, ça, c'est pour donner un exemple. Puis par la suite, ben là, ça pénètre un peu plus fort une fois que l'exemple est moins... Et quand l'ego doit s'adapter à une information qui vient altérer une partie de lui-même, l'ego réagit pour survivre. Alors là, ça serait « Ben, hey, qu'es-tu vu? » Oui, justement. J'ai la réplique facile, surtout quand je m'obstine moi-même. Et là, l'ego, qu'est-ce qu'il fait? L'ego, c'est qu'il essaie de mettre suffisamment d'expérience à l'intérieur de l'âme. Donc, quand vous êtes vous, mais quand vous êtes en colère, choqué, craintif, etc., insulté, frustré, l'ego bouge tellement ici, qu'il y a tellement de remous à l'intérieur, il s'arrange pour perturber au maximum les informations qui vont rentrer. Ce qui va faire en sorte que si par la suite, je te dis, écoute, t'es-tu vu les oreilles? Ça rentre tellement pas que tu répliques immédiatement, puis toi, là, il n'y a plus rien qui rentre. Tu te protèges égoïquement. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, je vais dire, c'était juste une farce. Ça ne passera pas, ça non plus. C'est trop perturbé. L'ego est en... L'ego perturbe tout. Donc, mon information ne rentre plus jusqu'à l'ego. Je ne peux pas. Si je veux le replacer, il faudra que moi, ou quelqu'un de puissant énergétiquement avec une parole relativement juste, te gèle. Quand il t'aura gelé, il va placer l'ego, donc il va te centrer. Arrête un peu! T'arrêtes? Bon, c'est une farce. Mais ça rentre beaucoup plus. Puis là, l'ego va avoir tendance à revenir, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un ego que de se faire arrêter, parce que l'ego vit dans l'illusion qu'il a le libre arbitre, alors qu'il est totalement manipulable, totalement manipulé, totalement programmé. Mais pourquoi ça rentre si fort dans l'ego, puis il se défend tant que ça? Si fort! Bien, ça rentre, la perturbation que ça crée autour, c'est quelqu'un qui va se mettre en colère, qui va être fâché. Pourquoi ça rentre si fort? Bien, c'est très simple. Est-ce que ça rentre fort ou est-ce que l'ego a beaucoup de puissance quand il est stimulé? C'est-à-dire que l'ego a beaucoup de puissance quand il est stimulé. L'information qui pénètre ne pénètre pas nécessairement fort. Maintenant, c'est ce qui arrive, c'est qu'on va faire une petite... Vous avez une chaudière ici avec un petit membrane de cellophane. Il y a de l'eau dans la chaudière. Quand on donne une petite tape ici, ça crée des cercles, des ondes, ça vient frapper la membrane de cellophane qui va se mettre à vibrer et ça va recréer l'onde de l'autre bord. Mais l'onde n'a pas traversé. C'est le même principe pour l'âme. L'expérience extérieure ne pénètre pas dans l'âme. Un être humain possédé n'est pas possédé dans le sens, dans le vrai sens du mot possédé. Bon, il y a un repiquage, il y a une réplique qui se fait à l'intérieur. Si la membrane est extrêmement mince, il faut une petite pichenote ici pour recréer ça là-dedans. Et nécessairement, s'il y a un ego l'autre bord ici, bien là, lui, tu sais, peut-être que ça se pourrait que peut-être qu'un être humain sur la planète Terre ne te trouve pas joli. Quoi? Bon, là, c'est que ça rentre en tabarouette, là. Bon. Mais là, si l'être humain mange bien, mange des choses vivantes, perd moins son énergie, puis a toute une stratégie pour arriver à se créer une dynamo d'énergie, la membrane de cellophane ici, lentement, ressemble plutôt à une planche de bois. Alors là, on donne une petite pichenote ici, il ne se passe rien de l'autre côté. Fait que là, on va dire « t'es laid ». Tu vas entendre des mots, mais il n'y aura pas d'expérience intra-âmique. Ça va s'arrêter au niveau du mental. Donc, l'ego ne réagira pas. Et là, l'humain égoïque va dire, « Crée maudire un robot. » Parce que lui, il faut bien qu'il se défende, parce que normalement, lui... Lui, il aurait été insulté, ben, c'est ça. Fait que, voir que ça ne le dérange pas, lui, ça va le déranger. Alors, plus l'être humain va avoir de l'énergie vitale, plus la membrane périsprétique va être dense, épaisse, plus tu vas être épais. C'est vrai. Et plus on est épais, moins on est manipulable, et c'est pourquoi les gens nous trouvent épais. Parce que les gens font raison sur nous autres. T'es épais. Merci. Ben épais. Merci. Bon, pour... ça, c'est l'ego est dans l'âme. Puis dans l'âme, il y a aussi toutes les mémoires qui ont finalement pas rapport... les mémoires qui ont pas rapport quand même à l'ego, mais qui sont quand même dans l'âme. Ça veut dire qu'on transporte un stock avec nous autres assez volumineux. Oui, si on devait mettre ça sur des disques compacts, ça prendrait plusieurs milliards de disques compacts. À 550 mégs par disque, petit disque, là. OK. De transporter ça, ça a-tu une utilité? Oui, ça a-tu une utilité? Ça a-tu déjà servi ou là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça a une utilité, mais ça dépend pour qui. Transporter toute cette mémoire-là ne vous sert pas à vous. Mais c'est utile. Mais pas pour celui qui transporte. T'es un transporteur. Tu sais, t'as déjà vu ça, des porteurs qui transportent la bouffe du riche, là? Bon, ça sert à quelqu'un de transporter le sac, mais pas au porteur. Qui s'en sert? Les dieux. Des fois, les autres. Je sais pas qui. Habituellement, c'est les égrégores, c'est-à-dire les égaux des âmes planétaires, c'est-à-dire les dieux dans les égrégores. Les égrégores peuvent porter différents noms, puis on aura des religions, on aura des égrégores nationaux, on aura des égrégores familiaux, etc. Bon. Ce que mais tu ça veux dire, sert surtout à ça, tout le bagage de mémoire. Il y a une petite partie de la mémoire qui te sert. Actuellement, étant donné que tu n'es pas suffisamment centré dans ton intelligence, toi en tant qu'être humain, en tant qu'ego, en tant qu'être planétaire, tu n'es pas suffisamment content avec toi dans ta réalité. C'est des choses bizarres qu'on dit là. En réalité, l'amoncellement de molécules ici, l'unité carbone qui se trouve ici, n'est pas en contact avec l'intelligence. Puis l'intelligence, quand elle va être en contact avec l'unité carbone ici, ainsi que les éléments énergétiques qui sont exprimés là-dedans, ça va être totalement différent ce qu'on va voir là. Mais étant donné qu'on parle d'un ego et que l'ego se prend pour l'humain, on doit dire à l'humain, quand tu seras en contact avec ton intelligence, mais c'est pas mal niaiseux de dire ça de même. Parce que c'est pas la réalité. Parce que l'ego sera plus là. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, ça sera ceci. Ça en vient faire comprendre ça au monde, là, mais après ça, il faudrait qu'on aille rentrer dans l'âme un peu. On est dedans, là, mais on n'a pas indiqué qu'on était rentré. Il y a beaucoup d'ego qui ne seront pas. On est rentré, on va penser qu'on parle de dehors. Présentement, toi, l'ego, là, ça m'a frustré plein d'ego. Moi, je suis diplomate, je préfère le terrain. Toi, l'ego, on t'a leurré, on t'a trompé, on t'a menti, on t'a illusionné au maximum et on te fait croire que tu es l'élément immortel alors que tu es mortel. Et tu es éternel, mais tu es mortel. Pas revenir là-dessus, mais tu n'es pas immortel. Et on te fait croire que tu es un outil clé pour l'intelligence que l'humain, dans l'astralité, va appeler les plans cosmiques, peut appeler Dieu. Il y a des dieux au niveau des pieds aussi, là, mais je veux dire, bon, mettons, dans des mots de l'absolu, pas un Dieu que tu pries. Un Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui ne sait pas si tu as besoin, puis attend que tu le demandes, pas fort. Bon. Toi, tu es, toi, là, tu es la petite bébite qu'on a placée là-dedans, puis qui va fermer les fenêtres quand il pleut. Chut, chut. Protège ma maison. C'est pas ta maison. Là, tu vas allumer le chauffage quand il fait froid. Tu vas mettre ça correct. C'est pour entretenir, mais ce n'est pas ta maison. Puis à un moment donné, progressivement, veux pas, tout ce que tu fais, et même malgré que je te le dise, que tu veux le faire à l'inverse, tu vas encore te faire ramasser, tout ce que tu vas faire t'amène inéluctablement à rentrer en contact avec le propriétaire de la maison. Puis lui, il t'a envoyé là dans la petite maison parce que la maison, elle était toute humide, elle était sale, elle était froide. Puis lui, le propriétaire, il s'est dit, écoute-moi, je n'ai pas d'affaires là-dedans. Alors, il a créé une petite bédite. Je résume, hein, je simplifie. Et puis, il a foutu ça dans la cabane. C'est nous autres. Puis là, évidemment, depuis l'homme de Cro-Magnon, depuis l'homme des cavernes jusqu'à l'homme des tavernes aujourd'hui, tout ça au complet a changé. Nous avons mis de l'ordre. Nous avons évolué les corps physiques. Mais la cabane, là, c'est les corps physiques. C'est le corps physique. Là, il est plus beau. Dans certains cas. moléculairement, il est plus beau. Atomiquement, il est plus beau. Vitalement, il est plus beau. Pourquoi? Parce qu'il est plus résistant. Il est plus capable d'exprimer de l'intelligence. Et inévitablement, à un moment donné, il va lui faire comme un gain à l'intelligence. Puis là, il va venir te prendre en main. Ça veut dire ça, prendre en main, c'est plutôt sortir. Bien, c'est-à-dire sortir que là, on va te dire. La partie qui s'identifie au corps, c'est-à-dire l'ego, sortir ouais. Ça, mettre ça dehors, puis rentrer. Ouais, c'est une façon expéditive. Mais qu'est-ce qui va devenir, cet ego-là? Non, il n'y a pas d'espoir d'anti-ego. Non, mais ce qu'il vient de dire est vrai, dans plusieurs cas, mais pas comme ça. On va offrir à l'ego, on va offrir à ton ego deux choix. En tout cas, minimum deux. Partir ou d'en aller? Pas tout à fait. Mais presque. S'en aller dans le sens de mourir, partir dans le sens de quitter, tu sais, mais pas, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Ça va être, je t'offre la possibilité de retourner dans l'être humain au fin fond du Bangladesh pour recommencer, des égos comme ça, ou bien... Ou on gagne la Coupe Stanley. Ou je te fais gagner la Coupe Stanley. Ça ressemble un peu. C'est ça. L'autre choix, ça va être, tu me laisses entrer, tu doutes pas de ce que je suis, pas tu fais confiance, rien de pire que de faire confiance. Tu doutes pas, et progressivement, tu vas changer. Puis quand tu vas avoir changé, c'est évident que tu ne seras plus ce que tu étais. Ouais. Mais il ne se reconnaîtra même plus, là, les gars. Mais il ne sera plus là pour se reconnaître. Tu ne poseras même pas la question. Non. C'est un peu comme de dire à un arbre, écoute, mon grand, je vais te transformer et je vais faire de toi une table. Es-tu d'accord? Le bois reste tout le bois, toute la matière est là, tout est là, l'arbre est tout là. Moins l'arbre. Là, tu dis ça aux égaux, là, qui doivent se convaincre que c'est intelligent que ça arrive, tu sais. Mais oui, ça va bon. Voilà. Est-ce que l'arbre... Allez, ça... Oui. Je vais faire une... Je disais ça pour te faire plaisir. Mais on fait une comparaison, moi, pour te faire plaisir. Tu es un corps malade, cancéreux, sidatique, gangréneux, tuberculeux. Ça va bien, ton enfant. À part ça, ça va bien. Ouais. Est-ce que tu as une utilité? Oui, tu fais de la médecine, etc. J'ai encore des cheveux. Je t'offre la possibilité d'aller rendre d'autres corps comme ça, où tu vas te reconnaître, ça va être comme chez toi, où je t'offre la possibilité de te guérir. Mais une fois guéri, tu ne te reconnaîtras plus. Tu ne pourras pas chialer, « Ah, que ça va mal à la matin! » Tu te guéris. Tu ne pourras pas dire, « Bon, dis quelqu'un, venez me changer ma couche! » Tu vas être debout en train de courir. Tu ne seras pas le même. C'est plus précis. Tu vas être heureux. Vous connaissez pas ça, le bonheur. La joie. Bon, tu ne seras pas, tu ne seras plus malheureux, tu ne seras plus craintif, tu n'auras plus peur, mais ce ne sera plus de l'ego. Tu ne te rappelleras pas pour comparer. C'est l'astral, c'est de la mémoire. Alors, tu vas être ce que quelque part en dedans, au fin fond d'eux, tu veux, aimerais être, à la condition que tu ne sois jamais. Parce que l'humain veut chercher la condition qu'il ne trouve pas. J'en ai parlé à cette fois. Tu veux rencontrer un extraterrestre, c'est un jour, il y en a un qui arrive en avant de toi, tu es le premier à faire une crise de cœur ou à te pousser. Tu veux rencontrer Dieu, un jour, il descend dans ta chambre avec la grosse face barbue puis vient s'écraser sur ton lit, puis là, toi, tu... T'sais, l'humain, il veut. C'est tout. Amenez-moi-en pas plus. C'est ce qui va arriver. Alors, présentement, l'âme, à l'intérieur de l'âme, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il y a toujours des répliques de l'intelligence. Parce qu'au fin fond, pas, c'est là. Mais on ne sont pas conscients. Je ne conscientise pas. Au fin fond de chaque ego d'un être humain, c'est clair, net, c'est bien écrit. Tu n'es pas ce que tu crois être. Alors, l'ego dans l'évolution humaine et de l'historicité humaine se dit « Je vais essayer de trouver qui je suis! » Mais l'ego ne pourra jamais trouver qui il est parce que l'ego, c'est un œil qui regarde. Il voit tout, sauf lui. Puis il se cherche lui. Puis les miroirs, ne comptez pas là-dessus. De toute façon, le miroir ne donne jamais la vraie réplique de ce que c'est. Surtout qu'un œil qui se regarde, dit pas « Crime, j'étais un œil, dis-t'en par nous, je me tue à la face. » Fait qu'en partant, il se voit pas plus. Puis encore une chance, notre cerveau est capable de nous délimiter du mur en arrière quand on se regarde dans le miroir. Parce qu'imaginez-vous ce qu'on pensait qu'on a de l'air. Un ordinateur, une caméra ne va pas faire ça. Un ordinateur, ça regarde quelqu'un, là, puis ça pense que c'est tout ça. Une chance que notre œil est capable de déterminer des contours, puis dire « ça, moi, ça s'arrête là. » Ça, c'est avec les boutons, ça aimerait ça que ça s'arrête moins encore plus là, mais... L'âme, tout le monde, au fond, vous savez un. De toute façon, vous n'êtes pas ici pour rien. Il n'y a pas juste ceux qui sont ici. Et l'humain qui se pose des questions, l'humain qui déambule pour trouver des réponses, l'humain qui s'interroge, l'humain qui se fait interroger. Tous les égos savent au fin fond d'eux-mêmes un. Que tout ce qu'ils savent est probablement faux. Et ça, ça fait en sorte qu'ils ne peuvent pas avoir de conscience absolue, de confiance absolue, pardon. Donc, ils doutent. Et le doute engendre dans l'ego une dissonance cognitive insupportable pour le règne humain. Alors, le règne humain va essayer de faire fondre cette dissonance entre « je suis sûr que c'est ça, puis peut-être c'est pas ça ». Il va rechercher, si possible, la foi aveugle. C'est-à-dire, être suffisamment imbibé, magnétisé par une forme pensée pour ne plus avoir de capacité de contact avec sa conscience. Mais écoute, tu te trompes, je m'en fous. Foi aveugle. Évidemment, il n'y a rien de pire que de marcher en aveugle. Puis c'est pas parce que c'est une foi aveugle que c'est dans l'astral ou dans le monde de la mort ou dans le ciel ou etc. que c'est mieux de rien voir. Il faut bien comprendre, la foi aveugle est un terme qui est extrêmement recherché par plusieurs humains. Ça veut dire être dans un état où je ne vois plus rien. Et là, j'ai le samadhi. Je suis heureux jusqu'au jour où, évidemment, le voile de la foi aveugle va se déchirer, veut pas, parce que tu bouges à travers la vie vers le contact avec le propriétaire, le contact avec l'intelligence. Votre, mais votre. C'est plutôt vous qui lui appartenez, mais en tout cas, j'ai une âme, je suis une âme, ça serait plus précis pour l'être humain. Est-ce qu'on se promène dans l'âme, donc dans les événements quotidiens, lorsqu'on est réveillé? Et quand on fait un rêve, lorsqu'on dort, est-ce qu'on se promène aussi dans l'âme ou si c'est l'âme au complet qui se promène? Non. C'est pas l'âme complète. C'est une extra-conscientisation du corps astral, c'est-à-dire que la conscience matérielle astralisée de l'humain, au lieu de rester dans les molécules du corps physique, lentement, elle gagne les molécules de l'air. Puis, nécessairement, elle peut gagner les molécules d'un mur, les molécules de l'air de bord du mur. Autrement dit, on parle d'un voyage. Et plus tu es extra-conscientisé, plus tu vis pur et clairement ce qui se passe. Puis de temps en temps, tu envoies de l'information au corps physique, et là, le corps physique se met à rêver. C'est la période de rêve où il bouge énormément, il reçoit plein d'informations. Fait que les disques durs se réveillent, tu m'as tourné. Puis la personne bouge pas mal. Si tu as presque pas de conscience à l'extérieur, ben, tu vas quand même recevoir de l'information. Tu vas bouger un peu moins, tu peux bouger aussi. Ça dépend toujours des corps physiques. Et à ton réveil, dépendamment de l'émotivité du rêve, tu t'en rappelleras ou tu t'en rappelleras pas, simplement. Dépendamment de comment cela aura été placé au niveau de ton corps physique, pas dépendamment de comment tu l'auras vécu au niveau de l'extérieur. Autrement dit, tu le vis énormément, mais ça, c'est presque pas inscrit dans ton corps physique. Tu te réveilles le matin, tu t'en rappelles plus. Tu as vécu à peu près rien, mais c'était assez rentré à bout de bras dans ton corps physique. Tu te réveilles le lendemain, tu as juste ça dans la tête. Est-ce que lorsqu'on se regarde deux personnes dans les yeux, on voyage dans l'âme de l'autre? Bon. On voyage dans l'âme, oui. On voyage dans l'âme lorsqu'on se cherche, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on se remet en question, lorsqu'on va s'introspecter. On voyage dans l'âme chaque fois qu'on médite. On voyage dans l'âme, il y a des méditations qui sont à l'extérieur, mais la majorité des méditations sont intra-âmiques. On voyage dans l'âme lorsque l'on est malheureux. Lorsque l'on s'ennuie, là, on observe l'âme. Ça explique pourquoi on s'ennuie, pourquoi on est malheureux. On voyage dans l'âme d'autrui par les yeux. Mais on voyage aussi dans l'âme d'autrui par ce qu'il va dire, par ses écrits, par un scénario de film, des choses comme ça. Mais les yeux sont un véhicule. La parole va nous faire comprendre ce que l'autre peut vivre, ou par transmission, là, savoir ce qu'il y a dans l'âme, ou la vibration des mots. Lorsqu'il y a un contact vraiment précis entre les quatre yeux, là, il me semble que ça voyage beaucoup plus vite. Tout ça. L'œil, c'est le seul sens physique qui a une porte ouverte directe avec l'âme. C'est direct. Pourquoi? Pour faire en sorte que l'âme ait suffisamment d'informations pour maintenir le véhicule planétaire en vie, le corps. Et c'est ce qui va faire en sorte que chaque fois que vous allez devoir réfléchir, vous allez fermer les yeux. Ferme le contact avec l'extérieur, parce que l'âme est totalement en contact avec ça ici. Quand je ferme les yeux, mon ego est déconnecté de ce sens-là. L'oreille, c'est le deuxième, pour ceux qui entendent, évidemment. Ça peut être le premier pour ceux qui ne voient pas. Et là, notre ego, il commence à fouiller à l'intérieur de l'âme, puis peut aussi, par le canal réincarnationnel, la corde d'argent, avoir accès à des formations de l'extérieur. Donc, être manipulé par des formations sociales, psychologiques, théologiques, etc. Si, et ça a bien observé, si l'ego est dans une situation où il ne peut pas fermer les yeux, il va y avoir un décentrage oculaire, c'est-à-dire que l'œil va se mettre hors foyer. Se plaçant hors foyer, ce qui est perçu est totalement flou, ce qui amène peu d'informations à l'ego et ce qui permet à l'ego d'aller réfléchir. Je vais vous donner un exemple extrêmement banal ici. Là, on va prendre un cobaye ou une cobaye, comme ça là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Ah, parce que les gens, ils veulent pas, tellement, ils veulent pas essayer. Ton âge? 30 ans. 31. Tu as cligné des yeux pour me répondre, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et là, il vient encore de placer ses yeux à terre ici, flou, pour me répondre à la deuxième question. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, c'est son ego qui a répondu. Dans les deux cas, il est allé fouiller au niveau de ses mémoires intra-amiques. Et pour aller fouiller au niveau des mémoires intra-amiques, il doit se déconnecter de l'information qui vient de l'extérieur. Donc, quel âge as-tu? Ferme les yeux. Et maintenant qu'il a la réponse, il répond. T'as fermé les yeux, hein? Les yeux décollent par en bas. C'est un égo pas pire. L'égo est pas pour refaire deux fois le fermer les yeux, tu sais, un fil de poche. Mais moi, je vois un peu plus. Alors, l'égo part vers le sol. Son focus est sur moi, je suis à deux pieds. Le focus se place sur le sol qui est à 5-6 pieds. C'est flou. Et là, maintenant, il va fouiller. Il revient en me disant, oui, j'ai cligné des yeux. Donc, chaque fois, il a fallu fermer l'entrée. Et c'est pourquoi, dans ce que tu dis, si on développe la capacité, même dans un miroir original, ou de se regarder dans les yeux pour échanger, là, ce qui va arriver, c'est que les deux âmes vont être connectées. Ça peut être un bon petit voyage de l'âme, un trip. Il peut y avoir des utilités. Puis ça peut aussi être un passe-temps. Mais c'est nécessaire, c'est évident que l'œil est ce qui exprime le plus. C'est ce qui nous permet d'entrer en contact, puis c'est d'ailleurs l'âme voit le monde par les yeux. Ce que tu veux dire, c'est que ça peut être utile d'aller voir dans l'âme. On peut faire quelque chose d'utile. Ça peut être utile. Est-ce que à quoi ça peut être utile? Bon, là, je voudrais voir quelque chose, là, mais ça peut être utile. Dans certains cas, c'est utile. Mais est-ce que tu vois quelque chose ou c'est plus une communication énergétique qui Non, on voit comme l'âme voit. Comme par exemple, si je prends un micro, je le place dans une salle. Le micro, il voit ce qu'il y a dans la salle, mais il voit en fonction de ce qu'un micro voit, c'est-à-dire qu'il va voir des sons. Si je mets une caméra, la caméra va entendre, mais en fonction de ce qu'elle entend, elle va entendre des images. Okay. On va dire entendre pour le son, voir pour les images, mais c'est des longueurs d'onde. Est-ce que ça s'apparente, par exemple, à une communication, pas non-verbale, mais c'est non-verbal, mais... Je n'ai pas de mots, là, mais corporel là, d'une personne, de la manière qu'elle se tient, ça communique telle affaire, finalement, de son âme. Alors, dans les yeux, de la façon dont ce que tu vois dans les yeux, bien là, c'est ce qui t'est communiqué. C'est-à-dire que si on regarde convenablement à travers les yeux, on peut finir par avoir un contact télépathique oculaire assez puissant que je vais, comme par exemple, quand tu es émotif, tu vois ça comment? Mais tu ne le vois pas. Alors, à un moment donné, si on communique ensemble et tu es émotif, je peux être émotif comme toi. Mais l'ego, lui, ce qu'il aimerait, c'est le voir comme avec les yeux. Mais il ne peut pas le voir comme avec les yeux. Parce que les yeux sont une extrapolation cérébrale. Dans le ventre de la mère, le fœtus, à un moment donné, il y a une partie du cerveau qui s'avance et qui va créer les deux yeux. Le cerveau, l'œil, perçoivent beaucoup plus de longueur d'onde que uniquement la lumière. Sauf que l'une des longueurs d'onde les plus appréciables par l'œil, évidemment, c'est la lumière visible. Mais l'œil perçoit plus que ça. Il perçoit le corps vital, il perçoit l'aura, il perçoit plus que ça. Et le cerveau perçoit énormément, ce qui fait que un œil, il va percevoir même les paupières fermées, puisqu'il voit à travers. Et qu'est-ce qu'on perçoit dans l'âme de l'autre qui fait en sorte que, lorsque ça arrive, le plexus solaire vibre, où on sent une... Si l'expérience... Qui n'est pas méchant, qui n'est pas une crainte, qui n'est pas un bonheur, mais qui est une grosse vibration. Bon. La façon dont vont s'amonceler les parties de l'expérience pour créer les égos, ça va créer des blocs avec plus ou moins d'aspérité et de trous. Puis à un moment donné, à travers le contact astral avec un autre, tu peux découvrir un égo qui est une partie casse-tête, quasiment, mettons, l'opposé de la réplique de toi. C'est-à-dire que si vous pourriez coller vos deux égos, ça pourrait s'imbriquer d'une façon à combler énormément de trous. Et ces trous-là sont ce qui amène l'humain à la recherche, à la quête. L'humain pose des questions pour avoir des réponses. Ces questions sont les trous qu'il a à travers la structure de son égo. Puis les réponses, ce sont le colmatage de ces trous-là. La meilleure énergie pour colmater, c'est l'amour. La problématique, cette énergie-là, elle est totalement... elle disparaît rapidement. Il faut continuellement l'alimenter. C'est donc pas une bonne stratégie. C'est nourrissant. Mais de se fier, de mettre son bonheur sur l'amour d'autrui ou des choses comme ça, on peut vivre d'une façon assez pénible. De toute façon, on va vivre jaloux, on va vivre inquiet, etc. Alors, à travers la vision de l'autre, on peut découvrir une âme qui, un, vient confirmer ce que nous sommes, c'est-à-dire t'es beau. Pourquoi? Parce que sa structure neuronique, sa structure oculaire, sa structure astrale va faire en sorte que quand elle voit tel type d'illusion, donc de forme, de corps physique, elle apprécie ça, elle trouve ça beau. Donc elle s'en nourrit. Toi, par le contact avec son âme, tu vois ça, donc ça te nourrit. Bref, tu vas progressivement tomber en amour. C'est un exemple. Tu vas aussi être en haine, en rejet, trouver antipathique, parce que l'autre personne, elle est trop semblable à toi, vous ne pouvez pas vous accoter. Hein? On t'a trouvé une anti-réplique, un contraire, mais qui se s'imbrique bien. Le fait de voyager à l'intérieur de l'âme, ce qui est important, c'est de donc juste de voir... La chose la plus facile à faire, vous vous asseyez, comme je vous avez déjà un bout de chemin de fait. Ensuite, fermez les yeux, mais ça, pas ici, là. Vous voulez rester là pour écouter la conférence, mais m'amener. N'importe quand les vraies questions, le vrai voyage de l'âme que l'humain doit faire, le vrai voyage au fond de l'âme, ce n'est pas, bon, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je peux faire demain, ou encore faire de la projection pour essayer de changer les choses. L'homme ne contrôle pas rien, il ne contrôle rien. Les positivistes, là, ils fonctionnent tant qu'ils sont tant qu'ils veulent avoir ce que de toute façon ils vont avoir. À un moment donné, ils se cassent le nez. Puis comme ils continuent dans ce genre-là, ben, quand ils n'ont plus de nez cassé, ils se cassent la tête. Faire un voyage au fond de l'âme, observer à l'intérieur de soi les vraies, les questions fondamentales, mais ce n'est même pas des questions. Okay? Posez pas de questions tout de suite, faites juste observer. Mais c'est quoi un exemple d'observation? L'exemple d'observation, quand tu rentres à l'intérieur de toi, là, pas quand tu as gagné un million, là, c'est pas le temps. Mais de temps en temps... Tous les autres jours. C'est ça. Ça arrive souvent, les autres. Ça dépend de la vie. Au moins, en tout cas, 4-5 jours par semaine. Ah, c'est ça. Et là, tu vas voir, là, puis observe. Tu vas observer probablement que tu n'es pas gros. C'est sûr que vous pouvez observer des mémoires dynamiques vous faisant croire que vous avez le monde entre vos mains, que vous pouvez faire ce que vous voulez. Et là, ouvrez les yeux et regardez, vous allez voir que c'est faux, ça, là. Fait que là, fermez-les maintenant, là. Leur tournez, approchez la forme pensée qui était là pour vous faire croire des conneries. Au fin fond, quand tu vas fouiller à l'intérieur de ton âme, tu vas découvrir la réalité, au-delà du mensonge, de l'illusion. T'es foutrement rien. Hein? T'avais déjà observé ça? Mais on fuit ça, on veut pas! Là, on se compte des pipes, des cigarettes, des salades, tout ça. Puis quand c'est passé, on se compte de la drogue. Bon, pour plus somnibuler. Quand tu vas fouiller à l'intérieur, puis l'humain peut se dire, voyons donc, nous sommes tous des dieux! Entièrement d'accord! Mais il y a des dieux qui sont mauditement plus divins que moi, en tout cas. Puis il y en a d'autres qui sont pas mal pires que moi. Moi, aller voir un gars qui vient de perdre deux bras puis qui vit dans un taudis, puis aller lui dire « t'es un dieu », il va comprendre que je suis odieux. Il ne peut pas aller plus loin. Alors, fondamentalement parlant, là, si tu vas fouiller à l'intérieur, nonobstant ta situation planétaire actuelle, elle est bonne, elle est mauvaise, elle est moyenne, on s'en fout. Tu t'en vas avec un corps qui vieillit. Oh, la belle chose! Hein? Tu t'en vas avec un corps qui peut être malade, puis te laisser tomber n'importe quand, comme une automobile. Oui, mais là... Des ans. Oui, mais le corps... Tu t'en vas avec une vie où on peut t'assommer ou t'assassiner n'importe quand. Oui, mais ça, c'est tout relié au corps, là. Puis à ta situation, ben c'est physique. Mais tu fais quoi là-dedans? Tu peux faire quoi là-dedans? Rien, mais tu n'as rien décidé. Ce que tu disais tout à l'heure en plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décidé que tu as garoché là. Oui, quelqu'un en guillemets. Là, après ça, il faut qu'on se regarde et qu'on trouve qu'on est minus. Oh. Ben, c'est ça. On est rien. On... Ah, c'est ce que je te dis. Observe-toi en tant qu'égo, là, oui, va mais... voir au fond de ton âme. Mais pas rien dans le sens rien. Non, c'est... mais ça se dit même pas. Oui, mais c'est pas négatif, là, que c'est rien. Mais non, c'est pas négatif, c'est positif. C'est plutôt... C'est rien. Je parle photographiquement, là. Plutôt absent. Plutôt absent, oui. Ce n'est pas ça. En réalité, c'est pas que l'humain n'est rien. C'est pas ça. Ce que je veux que l'humain fasse, c'est évident que si l'humain a peur d'aller au fond de lui-même, pour aller voir la réalité, pas la vérité, c'est une coloration de la réalité. Aller voir la réalité... Pour aller voir la réalité, qu'est-ce que je suis, bordel? T'es là, assis sur ta chaise, là, tu fermes tes trois conneils, ton troisième œil, parce qu'il y en a qui l'ont. Bon, ou t'es couché, t'es aux toilettes, par exemple. Puis là, t'es là, mais qu'est-ce que je fous ici? Va fouiller au fin fond d'eux. Tu peux pas y échapper, tu peux pas t'en sortir, tu peux rien changer, puis ça s'en va là-bas. Vers, là-bas. Là-bas. Puis tout le temps que t'es là-dedans, puis quand tu joues dans l'illusion, puis cette illusion-là était essentielle. On ne dira pas ça à l'humanité, ce que je vous compte là. Cette illusion-là est essentielle tant que l'humain n'a pas suffisamment de conscience, c'est-à-dire tant que le propriétaire n'est pas capable de venir mettre au moins son doigt à l'intérieur de tes véhicules. Mais c'est vrai que c'est pas du positivisme. Parce que... non, ça... Non, c'est pas du négativisme. Ben, du coup, c'est... Non! D'aller dire à un malade, « Hey, t'es une personne en santé! » Mais maintenant, la personne, elle va aller fouiller au fond d'elle, elle va se dire, j'étais un maudit malade. Un, de le croire. Ah, c'est plus que ça, là. Puis deux, d'être malade. Le quand elle va revenir, là, puis qu'elle va voir le médecin arriver en disant, hey, t'es guéri. Elle va prendre le médecin, le brosser, elle va dire, écoute, le cœur, je suis pas guéri. Je suis pas guéri. Si bon. J'ai un. Bon, là, c'est qu'elle, pas guéri, tu sais. Parce que si j'ai, on va dire, on met ça gros, là, 5 secondes que je vais voir la réalité. C'est assez quand je vais revenir, te défaire platinairement. C'est sûr, quand je vais revenir, je vais me dire, je suis tout bien resté dans l'illusion, c'est pas mal plus confortable que... Exact. C'est ce que les religieux font, c'est ce que la majorité des... C'est ce que les êtres évolutionnaires font, ceux qui évoluent, ceux qui se conscientisent ont de plus en plus de difficultés que ça. Les voix de Dieu sont impénétrables, là. Puis les voix du cosmos te parlent, puis te disent, c'est toi qui comprends rien. Puis, on te le dit toujours, mais écoute, c'est épais, c'est pas notre faute. À un moment donné, celui qui se conscientise, il aura le bol de tout ça. C'est bien beau, on me le dit. On te le dit pas. On s'en fout. Mais penses-tu que je devrais aller là? Non, c'est dangereux. Mais dans l'absolu, là, vas-y pas, ça te casse la gueule pareil. C'est pas là, c'est 3 étapes plus loin là-bas. Tu sais, les conseils des grands sages, donc on peut demander des conseils à ceux qui sont morts. Tout le temps de nos vivants se casse la gueule, maintenant mort, ils viennent nous aider, tu sais. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait, là? Mais l'humain a besoin d'illusions, je suis d'accord. On se compte des histoires. Il y a un seul Dieu. J'étais dans une exposition à un moment donné en 79. C'était religion et philosophie. Il y avait des religions là-dedans. Il y avait toutes la même pancarte. Il y a un seul Dieu, le nôtre. Fait que c'est lui qui m'agasinait là-dedans, là. Il sortait de là en disant, c'est vrai, ils ont tout tort. Un Dieu de plus. Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il faut que l'homme fasse, ce que j'aimerais que vous compreniez, mais j'aimerais, ce qui serait utile que l'humain vive, c'est pas de se rendre compte qu'il n'y ait rien, mais pour l'ego, ça va ressembler à ça. Par exemple, vous jouez du violon, puis en même temps, vous, pour vous accompagner, vous chantez. Là, quelqu'un arrive, vous voulez être un violoneux, une violoneuse, une violonnetrice. Et puis... Là, quelqu'un arrive et vous dit, écoute, t'es pas un violoneux. T'es un chanteur. Chante-moi, dites-moi mieux que tu joues du violon. Puis là, ton rêve, c'est d'être violoneux. Là, on vient de te dire carrément que t'étais rien. Toute ta vie sur le cul. T'es un chanteur. Et tu penses que j'étais bon, moi, j'ai du violon. T'es un chanteur. Chante. C'est pas ça. C'est la même chose au niveau. Tu rentres au fin fond, tout ce que vous avez pensé de vous, là, ben observe-toi à un moment donné. T'en perds-tu du temps? T'as joué du violon, là, avec les... puis tu l'as pas. Tu l'as pas. Mais là, les positivistes, ça arrive à côté de toi, là, tout le kit. Hey, c'est pas mal. Bon! C'était quelle note, ça? Puis nous autres, on est là, c'était doux! Ah oui! En tout cas, c'est, l'illusion est jamais assez parfaite, elle te met toujours en pleine face, l'illusion. Mais nous, on vit dans l'illusion et dans le mensonge sans arrêt. Mais c'est tellement évident! Mais c'est à partir du moment où l'illusion commence à... tu l'as en pleine face, puis que là, tu t'aperçois que t'es pas grand-chose, que c'est là qu'il peut se passer pas quelque chose. Que non, t'es pas grand-chose, que t'es pas un violoneux. T'es pas ça, en tout cas, t'es pas ça. Voilà, il l'a ici, là, lui-là. En allant au fin fond de l'âme, l'humain peut facilement, c'est pas une technique, c'est banal, autorisez-vous donc à avoir la réalité. Vous allez découvrir que vous êtes pas ça. Mais... t'es pas bon, t'es pas mauvais, t'es pas ci, t'es pas ça. Et là, l'humain, avant même de voir qu'il n'est pas ça, il va arrêter, il va dire « Oh! Si je suis pas ça, qui suis-je? » Ben là, il va chercher dans son âme pour trouver qu'est-ce qu'il est. Ben là, il va dire « Avant d'ôter cette illusion-là, là, donne-moi s'en donne un autre. » Parce qu'il veut pas être dans le vide, là, lui, là. C'est pas ça. À l'instant où tu vas te rendre compte, au fin fond de ton âme, que tu n'es pas ça, puis quand tu vas revenir... en disant « Hey, je suis pas ça! » Quelqu'un va dire « Quoi? Ça? » Parce que c'est des perceptions, il n'y a même pas assez de mots pour te communiquer ce qu'on va voir là-dedans, là. « Je suis pas ça! » À l'instant où vous êtes plus ça, vous vous prenez plus au sérieux. C'est sûr que vous allez le faire après 25, 30, 40 000 fois, peut-être dépendant des personnes. Ça va finir par être vivant que t'es pas ça. Au début, tu vas avoir juste peur. Tu vas ouvrir la petite trappe, là. Il est en rien de suite, là. Non, c'est vu, là. Là, je suis nassure pour 2 ans. Pour 2 ans. Là, on va aller... On va gérer ça. Ça. Là, on va rentrer chez Krishna pour 2 ans, là. C'est une petite conscientisette aux 2 ans, là. Puis d'ici 3 000 ans, on va être correct. Au début, tu vas dire un petit peu, là, ben, c'est pas ça. Dieu vous aime. Ben, il aime pas comme moi. Je pense que c'est l'amour, d'abord. Parce que, ben non, il aime pas grand monde. T'sais, c'est facile de voir. Là, non, c'est parce que Dieu, il veut t'éprouver. Mais si moi, elle l'aime aussi, il va l'éprouver, moi aussi. Alors, Dieu n'aimera pas ça. Que tu l'éprouves. Je peux t'éprouver ma femme, mon mari, moi? Je l'éprouve. Je vois s'il m'aime. Tout ce que tu vas découvrir, c'est que ce que les dieux découvrent. Tu vas voir qu'elle t'aime. Et qu'elle t'aime plus. Éprouver en clinique. C'est tellement clair, évident, que l'humain continue toujours à jouer dans l'illusion. Quelqu'un me disait à un moment donné, si tu faisais tel genre de conneries en conférence, ça serait bon. Fait que moi, j'ai dit non. S'il y a 50 personnes, ils vont me prendre pour un épais, puis s'il y a 5000 personnes, ils vont me prendre pour un génie. Bon, en fait, la même affaire, là. Parce que 50 personnes peuvent facilement se dire « Hey, on s'est fait fourrer. » 5000 personnes ne peuvent pas oser se dire ça à 5000, si le boulot, on va se fourrer certains. « Hey, c'était bon, hein? Tabarouette, il faut le faire, tu sais, devant 5000 personnes. » C'est ça, oser nous faire croire que c'était bon. Mais c'est exactement ça. Tout est là-dedans, c'est une illusion. Plus la menterie est grosse, plus elle passe. Souvent, c'est ce qui va arriver. Et plus il y a de collectif autour de toi, plus ça va passer. Là, si l'idée, c'est pas d'aller voir que t'es pas ça, après ça, tu viens, puis là, faut aller travailler, là, puis c'est bon, je vais pas travailler, je suis pas ça. Planétairement, vous devez rester efficace. Faudra pas que tu sois que t'as faim non plus, parce que tu vas trouver ça long. Ce qu'il faut comprendre, mais c'est qu'en allant... il y a une partie de vrai pareil dans celui qui dit que je vais pas travailler. Oui, mais il y a pas raison d'avoir raison, là. Disons que ça... c'est à rien, là. Disons que c'est pas utile, mais il y a raison pareil. Je vais t'expliquer, je dis pas qu'à tort. C'est le problème, ça va être de payer le loyer. C'est important. Ouais, c'est ça. Vous êtes 100% de l'illusion. Puis de temps en temps, vous allez fouiller quelque part, ou bien non, vous entendez quelqu'un, vous voyez un film, vous lisez un livre, ça vous amène un petit heure, Un petit quelque chose qui vous fait dire, c'est vrai que sais-tu que... C'est ça, on remet tout en question. Le début. Et à un moment donné, quand tu vas être capable de l'en voir un petit peu, là, que c'est illusoire en tabarouette. Toutes les religions du monde, quand je parle du monde, moi je parle des 30 000 ans qui viennent de passer, n'ont pas changé l'humain. Ils l'ont omnibulé. Bon, les partis politiques, théologiques, le communisme, le marxisme, un paquet d'autres, ça omnibule. Après ça, les partis politiques ou les partis de gestion financière comme le capitalisme, ça omnibule. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça occupe l'humain. Distraction, distraction, distraction, distraction, idon, drogue, distraction, radio, musique, party, tout ça. Et à un moment donné, quand tu vois que t'es pas ça, pas le temps de bouger. Pourquoi? Parce que t'as tout ça ici au complet de l'illusion, là. Autrement dit, c'est toute l'illusion qui est ici va essayer de gérer le monde de l'illusion à partir de ce qui est de petit peu qu'il y a ici. Puis là, t'es totalement inefficace, t'as plus rien à faire, t'es pas viable. Et c'est pourquoi c'est intelligent de cacher tout à l'âme, donc à l'humain. Mais veut pas, à un moment donné, ça commence à nous picoter. On se refait dire, on reprend conscience qu'il y a du mensonge en maudit dans notre histoire, dans notre vie, dans tout ce qu'on vit, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on projette. Moi, je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Regarde ces photos-là, là, tout du monde qui ont toutes voulu la même chose que toi, là, sont toutes morts depuis 200 ans. C'est génial. Tu regardes leurs yeux, regarde leurs faces, regarde l'auto qu'il y avait ici. Là. Regarde le bonhomme avec sa famille, ils ont des grosses moustaches, je suis tout fier. Là. Est-ce que tu es enterré fait longtemps, ça, là? Bon. Alors, quelque part, tu sais, il était pas ça. Il y en a qui ont 91 ans en Chine. Puis ils disent, vous m'allez pas, les petits maudits! Puis ils font tuer les étudiants dehors. Puis le régime changera pas. Mais non, ils crestient, ils sont satisfaits de leur mort. Ils savent pas, hein? Puis même s'ils ne sont pas fusillés, ils ne sont pas ce qu'ils disent. Ils vont s'en aller. On fera un changement après. Bon. Pas ça. Quand l'humain commence à vivre un peu plus, à remplir, à altérer son illusion par son intelligence, il va être capable de constater de plus en plus qu'il y a bien des choses qui ne sont pas ça. Et là, c'est une expression de vie va commencer à changer, mais pas d'une façon spirituelle, pas... Ah, il ne faut pas s'en faire. L'intelligence, quand ça descend, là, ça va aller où? Parce que est-ce qu'il y a une place dans l'âme pour ça? Non, dans le mental, puis le mental va venir réinstruire l'ego, donc va venir lui permettre de voir qu'il n'est pas ça. Parce que ceux, comme ton petit vieux de 91, là, en Chine. Là, lui, il est ça. Non. Ben. C'est parce que dans moi, ce que je vois... il est ça. Oui, ben lui, étant donné qu'il ne voit pas rien d'autre... Oui, mais ça, je m'en balance. Dans l'illusion, il est ça. Mais dans l'absolu, il n'est pas ça. Oui, lui, mais... il n'est pas un être conscient. Parlons-en pas. Parlons de quelqu'un de conscient. C'est ça, parce que... Mais non, toi, t'es quelqu'un de conscient qui essaie de se défendre avec un gars parce qu'il n'est pas conscient. Ton chien. OK? Pas spirituel. Il ne faut pas non plus vivre, descendre ça d'une façon évolutive. Il faut descendre ça d'une façon intelligente. Intelligente veut dire que, un, on n'est plus pressé. L'humain dira qu'il faut être patient. Bon, OK. Et tout ce que l'on fait doit être esthétique pour nous. Et l'esthétisme fait référence à de la beauté. La beauté n'est pas une émotion, c'est un sentiment quand on la voit. La beauté, c'est nourrissant. Les heures passent vite ici sur la Terre. Je ne sais pas comment faire ça sur le Terre. C'est un bon décalage horaire. C'est ça. C'est des salles. Non, on va revenir à la prochaine conférence. C'est un petit peu un résumé. Puis on va continuer. À tout à l'heure.